Chache madame la, il dit nous qu'elle roulait en pâti. Madame la mettait si c'est tout bon. Et on commençait rouler doucement. Chauffeur la commençait qu'à parler. Après ça, il commençait qu'à toucher. Chauffeur la commençait dans l'hôtel. Mais madame la commençait.